cours numéro 36. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fi darsina al-akhir, on a lu le chapitre numéro 35 sur al-hath ala l'uzum al-nasihati lil-muslimin kaffa, et l'importance de se conseiller. Thumma al-imam Ibn Hibban rahmatullah alayh, il a cité via hadha al-bab une wasiyya nafi'a, ay un conseil très très important. Qala wa hadhihi wasiyyatu al-Khattab ibn al-Mu'alla al-Makhzum ibnah, ay wasiyyatu al-Khattab libnihi. Il a cité le conseil de cet homme pieux al-Khattab ibn al-Mu'alla al-Makhzum al-Qurashi, les conseils qu'il a donnés à son fils. Et النصيحة كما تقدم معنا le bon conseil, c'est من حقوق المسلم على أخيه, ça fait partie des droits de ton frère muslim sur toi de le conseiller. فلهذا quand il prêtait allégeance au prophète عليه الصلاة والسلام, parmi les points importants qui étaient cités, النصح لكل مسلم, et conseiller chaque muslim. و أبناء المسلم, les enfants du muslim, c'est من أحق الناس بهذا النصح والتوجيه. Et les enfants du muslim, c'est les personnes qui méritent le plus هذا النصح, et ces conseils de la part de leur père ou de leur mère. Allah سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المسلم il a une énorme responsabilité envers sa famille, son épouse, ses enfants. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم, أي أخي المسلم, préserve-toi, fais des efforts, fais les causes pour te préserver du feu et كذلك préserver ta famille. وقودها الناس والحجارة. وفي حديث معقل أو معقل, نعم, وفي حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة, أي celui à qui Allah سبحانه وتعالى il lui a donné une responsabilité, فلم يحطها بنصيحة, il conseille pas ses enfants, il conseille pas ce que il a la capacité de conseiller. قال فلم يحطها بنصيحة إلا ولم يجد رائحة الجنة, أي هؤلاء qui trahissent cette responsabilité, qui négligent هذا الحق العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité هذا الوعيد الشديد, أنهم ils ne sentiront pas l'odeur du paradis. الحديث متفق عليه. Nos enfants, ils ont un حق عظيم. Et celui qui a la capacité, فلا يبخل على أولاده بالنصح, النصح بالعلم. بقيا, qu'est-ce qu'on doit leur conseiller? C'est le but de ce dars aujourd'hui. Cet homme pieux, Al-Khattab ibn al-Mu'alla, il a cité des conseils très très profitables. Et l'imam al-Hibban, rahimahullah, il a cité ce conseil, et هذا الكتاب, pour qu'on en profite. لأن on a un autre problème, أن البعض ils donnent du temps et ils conseillent leurs enfants, لكن des conseils qui font beaucoup de mal, ils conseillent à leurs enfants que de dunya, ils pensent qu'aux choses éphémères de ce bas monde, بل بعض الآباء ils s'entraident, وبعض الأمهات كذلك, certains parents ils s'entraident avec leurs enfants, على الإثم والعدوان, ils s'entraident avec leurs enfants dans le péché, ils le poussent. Ah oui, il les pousse à faire ce péché, il les conseille, il les encourage à faire des péchés. Pourquoi? L'objectif c'est que dunya, c'est que ce bas monde. Et celui qui pense qu'à ce bas monde, qui fait des efforts qu'à ce bas monde, il n'y a aucun doute, il s'écartera de la priorité. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah, il nous a créé que pour qu'on l'adore. Il s'écartera كذلك du véritable avenir. Al-akhirah, préparer l'au-delà. On doit conseiller nos enfants et avoir pour base ad-din, sans négliger bien sûr les points importants concernant ad-dunya. Enfin, cet enfant, il aura besoin de voyager, Obama, de travailler, de se marier, de beaucoup de choses. Lakin, si la base, c'est din, enfin, tout le reste, ça suivra. Et il y aura de la baraka bi-idnillah. Et cet enfant, il fera la part des choses. Il fera la part des choses. Il saura, depuis son jeune âge, l'essentiel, c'est l'akhira et c'est din. Et les choses de ad-dunya, sans les négliger, lakin, c'est pas une fin en soi. فتأمل هذه النصيحة أخي الكريم c'est une nasiha pour chacun de nous في الحقيقة لأن vous allez voir que c'est conseil pour son enfant ne pas comprendre هنا que l'enfant c'est forcément un enfant qui est encore petit là لأن le père et la mère ils conseillent leurs enfants même si leurs enfants c'est des adultes ربما leurs enfants ils ont des enfants ou des petits-enfants et لا يزال الأب والأم ils ont cette responsabilité de an-nasiha. Enfin, ces conseils, c'est des conseils kadhalik pour chacun de nous. Et c'est un modèle. C'est une façon de comment conseiller nos enfants en se basant sur hadhihi an-nasiha. Vous allez voir qui est fondé bien sûr sur beaucoup de preuves du Coran et de la Sunna. Fa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa sadat. Qala rahimahullah haddathani Muhammad ابن المنذر ابن سعيد قال حدثنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عطية الحمصي عن الخطاب ابن المعلى المخزومي القرشي أنه وعظ ابنه فقال وعظ الموعظة سي ان رابيل سا ريسامبل ا النصيحة او كونساي فكيس كي لا كونساي ا سون فيس كيس كي لو ا رابيلي فقال رحمه الله يا بني اولا هذا سنمونتر ان في حال النصيحه خاصه avec tes enfants اخي الكريم employer ce genre de mots يا بني بصيغه التصغير ça montre التلطف la douceur et ça montre un lien fort entre ce parent père ou mère et cet enfant fille ou garçon هذا لا شك ان ça va toucher cet enfant Ya Bounay. Là, chacun a sept enfants, il va écouter. Si son père ou sa mère, ils ont employé ce genre de formulation qui montre la tendresse et qui montre une relation forte, l'enfant, il va écouter. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il le waffaq, il comprendra que c'est pour son bien. Qala ya Bounay, alayka bi taqwallah wa ta'atih. C'est ça la base. C'est pour ça qu'au départ, si notre nasiha, elle est basée sur l'essentiel, tout ce qui viendra après, ça sera facilité. Al-Khattab, rahimahullah, il a commencé par la base, par l'essentiel. Alayka bi taqwallah. Et tadhkurun anna dans ce livre, walillahi alhamd, rawdatu al-uqala, au début du livre, on a lu ensemble un chapitre sur al-taqwa. Et on avait cité le ta'rif, la définition de Talq ibn Habib rahmatullah alayhi c'est min ahsan al-ta'rif comme a dit Ibn al-Qayyim al-taqwa c'est fi'l ma amr Allah ala nour min Allah tarju thawab Allah c'est ça al-taqwa c'est de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné pour qu'on peut ala nour min Allah bi'ilm en se basant sur des preuves en espérant la récompense d'Allah wa hakadha أن تجتنب معصية الله تتكرد de ce que Allah il a interdit à la nour min Allah بعلم وتخشى عقاب الله en craignant le châtiment d'Allah سبحانه وتعالى التقوى c'est l'islam التقوى c'est الدين avec ce tarif tu comprends que التقوى c'est le fait de s'accrocher à son دين عليك بتقوى الله وطاعته la première chose par laquelle il a commencé rahmatullah alayh rappeler à son enfant l'importance du din rappeler à son enfant que c'est l'essentiel si tu crains Allah azza wa jall et tu lui obéis tu seras forcément gagnant wa at-taqwa laha thamarat nafi'ah 'azima man haqqaqa at-taqwa Allah celui qui donne l'importance à cette taqwa qu'on vient de citer Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, il a cité beaucoup de fruits bénéfiques, profitables pour le mu'min. Fasma' qala Allah azza wa jal wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Cet enfant, là, chacun dans sa vie va se retrouver dans des situations difficiles. Niveau santé, niveau argent, dans beaucoup de choses. Hakad ad-dunya. Si il craint Allah azza wa jal et met en application cette nasiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera toujours une issue. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وقال عز وجل إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. كذلك cet enfant dans son cheminement, sa jeunesse, ثُمَّ quand il sera adulte, ثُمَّ quand il va fonder une famille, ثُمَّ voilà, chacun d'entre nous, كذلك il sera confronté à beaucoup de choses. Les ennemis de l'islam, des jaloux, des envieux, son nefs, shaitan, etc. Si il craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera avec lui. Inna Allah ma'a alladhina taqaw. Allah, il est avec ceux qui le craignent. Et si Allah, il est avec toi, akhil karim, personne ne pourra te faire aucun mal. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi, tu seras gagnant ici-bas et dans l'au-delà. Ta'ammal qawlahu, azza wa jal fasbir. Inna al-aqibata lil muttaqin. كذلك أنا celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, la bonne fin elle sera pour lui. Et c'est tous, on espère tous هذا pour nous et pour nos enfants. Inculque à cet enfant taqwa Allah, montre-lui les choses bénéfiques, insiste sur le din, sur le fait de s'accrocher à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. تأمل قوله عز وجل إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ وَقَوْلُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. On veut tous la réussite pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos enfants. فَعْلَمَنَا la réussite, الفلاح, c'est par rapport à التقوى. La réussite, c'est pas par rapport à un diplôme. Encore plus si ce diplôme, il est fondé sur le haram. Et ce diplôme, il pousse à faire du haram. Et ce diplôme, c'est une cause pour que cet enfant il s'écarte du din. Combien d'enfants ils ont eu des diplômes et ils ont eu une certaine place fi dunya, ils arrivent même plus à faire salat à l'heure. Ils côtoient, maintenant si c'est un garçon, ils côtoient des femmes étrangères nuit et jour. Robama ils côtoient des ennemis d'Allah. Robama ils yata'amal avec riba, l'usure. Est-ce que ça c'est le falah? Pour beaucoup de gens, c'est la réussite. Alors que, wallahi, c'est al-khusran. Et ça peut pousser à l'énorme perdition. Yawm al-qiyam. Amma al-taqwa. S'accrocher à son din. Obéir au prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. C'est le falah. Wa taqullah. La'allakum tuflihoun. C'est la voie de la réussite. Ta'ammal qawlahu. Azza wa jal. Wa taqullah. Wa yu'allimukum Allah. Kadalik, cet enfant dont tu espères qu'il fera des efforts dans son din, qu'Allah pourra prendre son din. Peut-être que tu espères que ça devienne un savant, yamfa' nafsa wa al-umma. Une des causes, c'est at-taqwa. Craignez Allah, wa attaqu Allah, wa yu'allikum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous facilitera le chemin pour apprendre. تأمل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Cet enfant, comme تقدم, dans beaucoup de situations, il sera confronté à beaucoup de choses dans sa vie. Et أحيانا, il ne saura pas est-ce qu'il faut faire telle chose ou telle chose. Est-ce que cet endroit est le plus profitable que cet endroit? Est-ce que telle chose elle passe avant telle chose? Une des solutions, c'est la crainte d'Allah. Ya ayyuha alladhina amanu taqullah. Et craignez Allah. Yaj'al lakum furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnera hada al-furqan. Cette chose pour discerner at-tawfiq. Ta'ammal qawluhu 'azza wa jall, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. At-taqwa, c'est une des causes pour rentrer fil jannah. Al-muttaqoun, ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, qui ont fait des efforts dans leur din, ils seront fi jannatin wa uyun. Et on veut tout cela pour nos enfants. Cette vague, cette époque où on vit, ils pensent qu'à ce bas monde, ils font des efforts que pour ce bas monde. Leur objectif, c'est que ce bas monde. Ils éduquent leurs enfants sur l'amour de ce bas monde. Et rappelle-toi ce genre de verset. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Fais des efforts pour que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite à toi et à tes enfants le chemin pour aller au paradis. Wa qala azza wa jal wa sayujannabuha al-atqa ay an-nar. L'enfer. Qui c'est qui va être préservé de l'enfer? C'est al-muttaqi, celui qui a craint Allah azza wa jal. Celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul. Voilà, chacun a la base de at-taqwa, c'est at-tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fais des efforts. Anta awwalan, pour pouvoir enseigner et transmettre à tes enfants hadhihi an-ni'mah al-'azima, la science. Et la science, elle est fondée sur al-Qur'an wa sunnah. Wa al-Qur'an wa sunnah, la chacun a la base, c'est at-tawhid. Avec هذه الثمرات المختصرة, tu comprends mieux, akhi al-karim, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, في القرآن الكريم, il a cité أن sa wasiya pour الأولين والآخرين, c'est بالتقوى. قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il a conseillé ceux qui ont reçu le livre avant nous, ainsi que nous, et la Ummah du prophète Mohammed, de le craindre. Donc c'est cela la base. Donc on doit tous faire des efforts. في هذا الباب قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. On a tous besoin de provision. Nos enfants, ils ont besoin de provision pour toutes ces étapes qu'ils vont traverser, pour cette vie. On est tous en voyage. Enseigne à tes enfants la meilleure provision, la plus profitable, la plus bénéfique. At-taqwa. Quand un enfant il doit voyager, khasatan quand il est encore jeune, les parents font très très attention. La mère lui prépare son sac, il lui donne un peu d'argent, il lui donne beaucoup de choses utile, médicaments, autres, limades, il y en a ses provisions, il en aura besoin pour son voyage. Et c'est important. Laquelle on ne doit pas négliger les provisions que cet enfant il a besoin pour le voyage, son voyage le plus important. Et cette traversée dans ce bas monde jusqu'à sa mort. Wa nas'alullah azza wa jal an yahdi awlad al-muslimin. Qala, on revient à la parole d'Ibn Hibban, ya bunay, alayka bi taqwallah. وطاعته وتجنب محارمه واتباع سنته ومعالمه. Enseigner à nos enfants كذلك أنهم ils ont un modèle. Un enfant, bel autre que les enfants, لكن encore plus pour les enfants, ils ont besoin de s'identifier à quelqu'un. En tout cas, tu dois enseigner à ton enfant أن son modèle, c'est le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Si on arrive à faire aimer le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam à nos enfants, wa hakada ses compagnons radiyallahu anhum, ça sera très très profitable pour nos enfants tout au long de leur vie. On vit à une époque où on a beaucoup de parents, énormément de parents, et négligent ce point. Et ils laissent leurs enfants livrés à eux-mêmes, et cet enfant, il cherche lui-même un modèle. Et vu que beaucoup d'enfants, ils sont très très mal entourés, encore plus à notre époque avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, avec Internet. Enfin, il prendra comme modèle la chose qui est face à lui, qui est répandue. Les mains sportives, les mains chanteurs. Ben, on vit à une époque, yadam billah, on a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Leur modèle, c'est des vendeurs de drogue. Des gens de yadam billah qui assassinent, qui font de l'injustice. Lakin, al-kafara a'da'ullah. Avec les séries, avec les films, ils retracent la vie de certains mafieux certains délinquants, etc. Annahum, tout le monde reconnaît que c'est des criminels, mujrimoun, etc. Et tu trouves, cet enfant, il s'identifie à ce criminel. Aïe, Adam Billah. C'est un énorme danger pour cet enfant. Qala, hatta tassih uyoubak wa taqr aynuk. Et pour pouvoir se corriger lui-même. Enfin, cet enfant, il a besoin d'avoir des repères. Et on le répète, le repère pour chaque musulman, ça doit être le Coran ou la Sunna. Qala, فَإِنَّهَا لَا تَخْفَى عَلَى اللَّهِ خَافِيَةً كَذَلِكَ لُي أَنْسَيْنِيَ هَذَا ce point important. Et on en a beaucoup parlé, walillahilhamd, dans nos dorus, surtout dans la série sur l'explication des noms d'Allah, Azza wa Jal, l'importance de muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le raqib, c'est le sami', c'est l'alim, c'est le basir. Il nous voit, il nous entend, il sait tout, il a tout décrété. Enfin, si on enseigne cela à nos enfants, et pour enseigner cela à nos enfants, nous-mêmes, on doit avoir des connaissances fi hada. C'est pour ça que on le répète, cette nasiha, c'est pour les parents et c'est pour les enfants. Faqala rahimahullah, si on éduque nos enfants depuis le départ à la hada, quand il fait quelque chose, on lui rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. S'il n'a pas fait salat à l'heure, on lui rappelle que Allah, il le voit. Et ce qu'il risque comme châtiment s'il ne fait pas la salat. S'il est injuste, s'il vole, s'il insulte, enfin, les anges, ils inscrivent tout. Amma, celui qui habitue cet enfant dès le plus jeune âge à lui rappeler à chaque fois qu'il fait quelque chose, Annahu, si tu fais telle chose, je ne te donne pas d'argent. Si tu fais telle chose, pardon. Il ment. Si tu fais telle chose, fais un monstre ou tel animal, il va venir la nuit. Tout ça, là, il y a un faire. Tout ça, là, il y a un faire. Ça, c'est pas une éducation qui est fondée sur Al-Kitab ou Sunna. Là, on doit éduquer nos enfants avec ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé. Pardon, maintenant, pour faire peur à leurs enfants, ils disent, si tu fais telle chose, il va avoir un animal, un monstre, pour lui faire peur. Là, fais-lui peur avec les versets sur Al-Nar. Fais-lui peur en lui montrant que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il l'entend. Et tu verras que cet enfant, walillahilhamd, quand ils sont petits, ils acceptent tout. Enfin, si dès le départ on leur enseigne cet enfant, walillahilhamd, il acceptera et ça sera très très bénéfique. وَإِنِّي قَدْ رَسَّمْتُ لَكَ رَسْمًا وَوَضَعْتُ لَكَ وَشْمًا إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهُ وَوَعَيْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ مَلَأْتَ أعين الملوك وانقاد لك به الصعلوك ولم تزل مرتجا مشرفا يحتاج إليك ويرغب إلى ما في يديك. Et نحن, si on enseigne cela à nos enfants, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il les agrée. Si on enseigne cela à nos enfants, c'est pour que nos enfants y mettent en application en espérant la récompense. Amanas, qu'ils acceptent ou qu'ils acceptent pas, c'est pas le principal. Qala, fa'ati' abak, waqtasir ala wasiyati abik. Et ça, كذلك, هذا الكلام منتقد. Ay, qala, tu obéis à ton père et tu te limites à ce que ton père il te dit. Là, هذا c'est pas sawab. Là, tu te limites à la vérité, même si c'est pas ton père. Là, chacun a l'enfant, quand il est petit, la plupart de ses conseils, ça viendra de ses parents. Lakin, lui enseigner dès son plus jeune âge, annahu, il doit accepter la vérité. Et il doit rejeter ce qui contredit la vérité, même si ça vient des parents. Qala, وفرغ لذلك ذهنك واشغل به قلبك ولبك وإياك وهذا الكلام وكثرة الضحك والمزاح ومهازلة الإخوان. Enfin, parmi les premiers renseignements qu'il a cités, il a mis en garde son enfant عن كثرة الكلام, le fait de trop parler. صحيح أن celui qui parle trop, il s'exposera à l'erreur. كذلك il peut tomber très vite dans la médisance. كذلك il peut rentrer dans les choses qui ne le regardent pas. هذا الكلام, le fait de parler avec sa langue, c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. Lakin, on doit essayer de se limiter. Kadhalik, celui qui parle trop et qui parle beaucoup, il n'aura plus de temps pour étudier. pour réciter les invocations du matin et du soir, pour lire le Coran, pour réfléchir, pour méditer. Fi ayati Allah azza wa jalla al-kawniyya aw al-shar'iyya. Fal-hadr. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Ce hadith il montre أن le كلام, si c'est pas la vérité, فالإنسان المسلم il doit se taire. Et celui qui parle beaucoup, là chacun a si parle beaucoup, il s'expose à dire des choses qui contredisent la vérité ou la bout. قال وكثرة الضحك والمزاح. هذا تقدم معنا un chapitre dans روضة العقلاء. نعم. Le fait de trop rire, de trop plaisanter. Il y en a, si il rit trop, il plaisante trop, ça va lui coller. Ça va lui coller cette image. Annahu, il fait que rire, il fait que plaisanter. Kadalik, ça peut lui attirer beaucoup de problèmes avec les autres. Enfin, chaque chose à sa place. Plaisanter, rire, bien sûr que c'est permis. Lakin, sans dépasser les limites. قال ومهازلة الإخوان. Ça montre أن l'enfant il a besoin d'être encadré. Pas toujours jouer, pas toujours rire, pas toujours là. Des moments il faut être sérieux. Et l'habituer dès son plus jeune âge à هذا. Quand il commence bien sûr à comprendre, quand il sait parler, quand il commence à raisonner, à comprendre les choses. Enfin, l'habituer à des moments, bien sûr il faut se détendre avec les parents, etc., avec ses frères et sœurs. Des moments où il faut être sérieux. L'heure de la salat, c'est l'heure de la salat. Maintenant, s'il a un cours, l'heure du cours, c'est l'heure du cours. Il apprend à lire, il apprend à écrire, il apprend à réciter le Coran. Mais certains, ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas de limites. Daiman fi dhahik wa la'ib. Haoula, en général, ils n'avancent pas. Qala wa muhazalat al-ikhwan. Kadhalik, le fait de trop plaisanter avec les amis. فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ الْبَهَاءُ وَيُوقِعُ الشَّحْنَاءُ. Aïe, quand cet enfant y grandira, s'il s'habitue toujours à plaisanter avec ses amis, à leur dire certaines choses, à provoquer, ça va lui attirer beaucoup de problèmes. الْمُصِيبَ أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ بِهَذَا. Certains enfants, ils sont connus pour هذا. Quand il faut rire, quand il faut perdre du temps, quand il faut dire des futilités, tout le monde se dirige vers eux. Tu trouves des enfants, ils sont connus pour le sérieux. Quand il faut apprendre, quand il faut quelque chose d'utile, les regards ils se dirigent vers eux. Fais tout pour que ton enfant ça ne devienne pas celui qu'on utilise pour perdre son temps. Ton enfant c'est une amana azim. Voilà, tarda bidhalik. Qala, wa alayka bi arrazanati wa tawaffur. من غير كبر يوصف منك ولا خيلة يحكى عنك. كذلك habitué à notre enfant à avoir cette personnalité, الرزانة والتوقر, du respect. Anna, cet enfant il a un honneur et cet honneur il faut pas qu'il le salisse. كذلك كما تقدم معنا, il faut pas qu'il soit connu pour les futilités, لكن sans prendre les autres de haut. On habitue à nos enfants la modestie. Mais cet enfant, il a des facilités maintenant à apprendre à lire le Coran, à apprendre à écrire, à lire. Il a un minimum de sérieux par rapport à certains. Soma, ça le pousse à être orgueilleux envers les autres. On doit montrer à nos enfants là, si toi tu as réussi, si tu peux aider les autres, tu les aides. Et s'ils ont des difficultés, tu n'as pas besoin d'avoir de l'orgueil, de te sentir supérieur. C'est Allah qui t'a facilité. Et aujourd'hui, tu es dans cette situation et demain, Allahu A'lam, ton état, ta situation et la mienne. قال نختصر الوصية est assez longue, mais on a cité des bases importantes au début et maintenant on cite quelques passages. فبما قال رحمه الله وكن في جميع امورك في اوسطها فان خير الامور اوساطها. Et ça c'est une nasiha jamila. Et le fait d'être toujours dans le juste milieu. Que ça soit concernant les points qu'il a cités auparavant, le fait de parler, le fait de plaisanter, le fait de fréquenter, etc. Le juste milieu. Hatta dans le fait de dormir, dans le fait de manger. Kadal est encore plus important que Hadha Fiddin. Quand on enseigne à nos enfants la religion, on leur apprend la voie du juste milieu, la voie du Coran et de la Sunna, sans exagérer comme ils font certains, et kadhalik sans le laxisme d'autres. Qala fa'aqlil al-kalam wa afshi salam. Il a re-répété ma yata'allaq bi taqlil al-kalam, le fait de ne pas parler beaucoup, et il a ajouté huna wa afshi salam. Et ça, c'est important. Tu trouves ba'd al-abna al-muslimin à notre époque, les générations d'avant, ils avaient moins de problèmes fi hada, ils avaient l'habitude de passer le salam, de répondre au salam. Tu trouves l'an ba'd al-awlad, même avec leurs proches, Obama, ils rentrent fi al-bayt et il y a ses oncles, ses tantes, ses frères, ses sœurs, même, et ils ne passent pas le salam. C'est un axe. Habituer à nos enfants à ces choses importantes. Quand ils rentrent à la maison, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Quand maintenant ils rentrent à la maison, ils doivent passer le salam. Quand ils mangent, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Samillah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Tout ça, c'est des notions très très importantes pour l'enfant. Et si on donne de l'importance à Hada au départ, ça restera, mais idnillahi azzawajal, profitable pour toute la vie de cet enfant. Donc on les habitue kadhalik à répondre le salam. Ahyanan, on est firafla. On est mathalan dans un endroit, que ce soit à la maison ou dehors, et quelqu'un passe le salam, le père ou la mère y répondent, et l'enfant, ouais, il est assez ka'annahu. Kanahu, il n'est pas concerné. Là, on lui habitue, réponds au salam. Pour l'instant, tu es petit, s'il est encore petit, et il n'a pas répondu. Lâchez, allez. Il n'est pas encore concerné par les obligations. L'habitude, il en a si grandi, et il n'a pas ses habitudes. Enfin, le fait de ne pas répondre au salam, c'est pas autorisé, c'est une obligation de répondre au salam. Qala, wala tattakhid as-souq majlisan. Ou les hawanit mutahaddathan, avec des endroits pour parler. Les hawanit, c'est le pluriel de hanout, avec les magasins. Et as-souq, c'est les marchés. Hadhihi nasihatun jamila pour les enfants, de faire attention aux endroits qu'ils fréquentent. Enfin, as-souq, il y a beaucoup de choses nuisibles dans le souq. Le musulman, le souq, c'est pour faire ses courses. Il rentre, il fait ce qu'il a à faire et il sort. Mais si cet enfant, ses lieux de fréquentation, ça devient un souq ou al-hawanit, là, je sais que ça peut lui faire du mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré un afdal al-wiqa, c'est al-masajid, les meilleurs endroits, c'est les masajid, et les pires endroits, c'est al-aswaq, c'est les marchés. On vit à une époque, nous, Anna, l'haqiqa, le danger pour nos enfants, il n'est plus fi as-souq ou al-hawanit. Ben, wallahi, dans certains endroits, si l'enfant, il irait dans ces endroits, enfin, le mal, il serait moins important. Nous, on doit insister, huna, à une fitna. Une fitna dans laquelle la umma, elle est plongée. À notre époque, c'est cette fitna des réseaux sociaux d'Internet. À leur époque, le fait de sortir de la maison, l'enfant, il est exposé à plusieurs dangers. Al-fasaqa, al-bida, des gens mauvais, des gens qui peuvent leur faire du mal, des mauvaises fréquentations. À l'époque, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était ça la base. C'est pour ça que l'enfant, quand il est à la maison, même s'il y avait des manquements à la maison, il était préservé. À notre époque, ça a tout changé. C'est que le danger, l'un, il est à l'intérieur. Enfin, cet enfant, la tafrah, il ne croit pas qu'il est en sécurité s'il s'est enfermé dans sa chambre. Mais si il s'est enfermé dans sa chambre, ihdar, fais attention. Quand tu l'entends plus, ihdar. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il écoute? Certains parents, eux-mêmes, ils payent les abonnements pour les films, pour les séries. Certains parents, eux-mêmes, ils achètent ces appareils. Thumma, cet enfant, il plonge dans cette fitna. De série en série, de film en film. Thumma, le sport, thumma, la musique, thumma, les projets. Toutes ces choses. Une autre fitna, les jeux vidéo. Kadhalik, Somme à cet enfant, si tu lui proposes de lire le Coran ou d'apprendre à lire et à écrire, c'est comme si tu lui mettais une énorme charge lourde sur lui. Il peut plus. Il peut plus. L'humain, elle a son cœur. Il s'est habitué à l'ego. Ou l'insan, il s'habitue aux choses dans lesquelles il grandit. Que ce soit l'environnement, que ce soit le pays, que ce soit la nourriture, que ce soit les coutumes, les habitudes, les occupations. Enfin, cet enfant, s'il a pris l'habitude des jeux vidéo, du téléphone, de l'ordinateur, etc., ah, pour l'ilm, ça sera très très difficile. Il l'a, Inch'Allah. Il n'y a pas que l'ilm. Il y en a qui disent qu'il, mais s'il n'apprend pas l'ilm, peut-être il peut faire autre chose. Là, al-mushkila, on a cité l'exemple du ilm, lakin, ses réseaux et ses appareils, ça peut le pousser à des muharramat, bel à des kaba'ir, bel à de la mécréance. De la mécréance, des pensées, des choses qui contredisent notre dîn tamamen. Vous avez remarqué que l'âne, comme a akhbarana al-ikhwan, dans toutes les séries et tous les films, il y a des rôles pour les homosexuels. Ayyadam billah. T'as à notre époque, nous, le fait d'entendre ce mot, enfin, al-muslim, ou al-kafir, homme, femme, petit, grand, arabe, non-arabe, tout le monde rejetait ça. Le fait d'entendre le mot, personne n'acceptait ça. Et là, ils étaient rejetés, rabaissés, walillahil hamd. Maintenant, avec ce nouveau système, cette nouvelle génération, et hada tahtit min a'da'illah, c'est pour changer les mentalités, c'est ce qu'ils font. Si une personnalité, ou encore plus pour les personnalités, même n'importe qui parmi les gens de la masse, s'ils rejettent publiquement, Hadafar Obama, ils lui font un procès. Et pour changer la mentalité, vu qu'ils savent que c'est pas par la force que ça marchera, ils attaquent la génération des enfants. Cet enfant qui regarde cette série ou ce film, cet enfant qui voit ces choses, qui entend cela, et Khassatan avec des choses qu'il aime regarder, que ce soit dans le domaine du sport, dans les films, ça va devenir quelque chose d'habituel. Et c'est ce qu'ils veulent. On doit préserver nos enfants de hada al-khatar al-azim. Vous comprenez la comparaison entre cette situation qu'on vit et la situation que le Khattab il a citée par rapport au marché et au magasin. Enfin, niveau danger, c'est incomparable. C'est pour ça qu'à leur époque, il y avait énormément de khayr. Et malgré cela, les imams, les gens qui conseillaient. Luqman, radiyallahu ta'ala anhu, il a conseillé son enfant, une nasiha jamila, qu'on a expliqué, walillahil hamd, dans un cours. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a cité, hadhihi nasaih dans le Coran, cette wasiya qu'on lit aujourd'hui. Et beaucoup de livres, beaucoup d'imams, ils ont écrit des rasail, des conseils à leurs enfants, à leurs fils. Le mal, il était très limité à leur époque, et nasiha était qawiya. Nous, à notre époque, le mal, enfin, il est très très propagé et fil muqabil, elle est daïf. C'est pour ça que le danger il est beaucoup plus grand. Thumma qala rahimahullah, وليكن مجلسك هادئا وحديثك مقسوما. Al-hudu, apprendre à cet enfant al-hudu. Al-hudu, c'est le contraire de l'agitation, qu'il soit calme, serein, l'habitude à ça. Amma kathrat al-harakat, le fait de trop se déplacer, ça peut lui faire du mal et ça peut faire du mal aux autres. Ou hadithu kam maqsouman, et donner le haqq à chacun. Ça, c'est min adab al-majalis. S'ils sont matalan dans une assise plusieurs, ne pas parler qu'à un et délaisser les autres, qu'annahum ils n'existent pas. Et là, ça c'est kadhalik, et qu'on peut faire une comparaison avec notre époque. Ta'ammalou. Al-Khattab, rahimahullah, il a fait cette nasiha pour montrer l'adab à son fils. Anna ton hadith, il doit être maqsoum, il doit être partagé. Tu parles à un tel, tu parles à un tel. Khassatan quand il y a plusieurs membres de la famille, ta tante, ton oncle, tes cousins. Enfin, tu parles à Hada, tu demandes des nouvelles à Hada. Pas qu'à un. Parce que les autres, ils vont penser qu'ils n'ont pas de valeur. On vit à une époque, nahnou. Certains enfants, on peut même plus parler de taqsim al-hadith. Là, ils sont les yeux rivés sur le téléphone et ils peuvent plus parler aux autres. On n'a pas dit ils ne parlent pas aux autres. Ils peuvent plus. Ils sont occupés, le cœur il est occupé par cette fitna. قال وأصغي إلى كلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة. الحقيقة c'est des conseils très très précis pour montrer le niveau qu'ils ont atteint. Il a dit à son fils, écoute bien quand on te parle. بغير إظهار عجب منك. Même si tu es étonné par une chose, ne la montre pas. Il peut citer une chose que tu ne connaissais pas, une chose. Enfin, reste calme. ولا مسألة إعادة. Et fais attention de ne pas demander qu'on répète. Pourquoi ? Il y en a celui qui demande qu'on répète, c'est qu'il n'était pas attentif. Et pour eux, c'était un naqs. On le répète, tout le monde parle, les adultes et l'enfant, il est dans son coin avec le téléphone. Même s'il n'a pas le téléphone, s'il a été privé, il est occupé. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. Internet, c'est une moussiba, ikhwan. Internet, c'est une moussiba. Internet, c'est toute la poubelle du monde entier. Et cet enfant, il est plongé dans cette déchetterie. Fait que des choses qu'il voit, des choses qu'il entend, des vidéos, des rumeurs, des... Na'oudou billah. Un adulte. Et si cet adulte, il est exposé à ça, c'est très très dangereux pour lui. Amma un enfant. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Qala wa arid anil fukahat min al mudahik wal hikayat. Hada, c'est un point important. Al-Fukahat, c'est les blagues et des histoires inventées pour faire rire les autres. Hada fihi dharar. Beaucoup, c'est fondé sur des mensonges. Ahyanan, bardoum, ils veulent faire rire les autres. Et ils citent une histoire et c'est une moquerie claire contre la religion. Donc, il faut des limites. Rire, c'est permis. Plaisanter, c'est permis. Prendre du bon temps, c'est permis. Lakin... Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est wajib. Et cette langue, tout ce qu'elle dit, c'est inscrit, c'est enregistré. Plaisanterie ou non. Et si c'est une plaisanterie sur le din, la shakanahu, c'est de la mécréance et c'est très très grave. Qala wala tuhaddith an i'jabika biwaladik, wala jariyatik, wala an farasik, wala an sayfik. Tadkurun, cette mas'ala, on l'a vu il y a quelques cours dans ce livre. Anna li kulli sahib ni'ma hasid ou kulli sahib ni'ma mahsoud. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une ni'ma, enfant, des moyens, des biens, etc. Voilà, chacun ça peut pousser certains à la jalousie. Ça peut pousser certains à manigancer. Al-Khattab rahmatullah alayhi, il a conseillé son enfant: ولا تحدث. Ne raconte pas tout. Anna, ton enfant, il a fait telle chose. Anna, ta fille, elle a fait telle chose. Anna, tu comptes faire telle chose. Anna, il a parlé de sa monture. Kadalik forasik. À notre époque, la voiture, j'ai acheté, je vais faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça peut pousser au kibr. Et kadalik, ça peut pousser certains manigancés à être envieux. On revient à notre époque. Al-Khattab, rahimahullah, il a conseillé son enfant sur ce point, alors qu'à l'époque, ils étaient préservés dans beaucoup de choses. Même Belouxi, il aurait vu la moussaïba des réseaux sociaux. Tu trouves certains enfants, et ils s'entraident avec leurs parents. C'est le père ou la mère qui prend la photo. Al-Nahou, il ouvre un paquet de gâteaux, il le prend en photo. Il boit un verre de madrid, et c'est pris en photo. Il se déplace, c'est pris en photo. Et ils mettent ça toute sa vie, elle est étalée dans les réseaux sociaux. Ittaqullah ya ikhwan. Ittaqullah, ça c'est pas la voie de al-sunnah wal jamaa. Encore plus avec leurs enfants. Nos parents, avec tous les manquements qu'ils avaient, wallahi alhamd, ils avaient beaucoup de haya, ils avaient de la pudeur. Alors, certaines choses, ils ne pouvaient pas les faire avec leurs enfants en public dehors. Tellement qu'ils avaient al-haya, ils ont élevé leurs enfants à la hada. Même à prendre des photos avec leurs enfants, exposer leur vie dans les réseaux sociaux. Abadan. C'est pour ça que tu trouves Kibar Sin, la génération de nos parents, et la génération encore au-dessus. Anoum Yestin Kiroun Hada. Beaucoup de choses, ils sont dépassés, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas partie de leur génération et Kadalik, ça contredit Al-Akhlaq. Et Hada, en fait, c'est un ta'athur wadih bil gharb al-kafir. C'est pour ça que fi bilad al-muslimin, il y a une différence là, qui n'a pas de bilad al-muslimin, ta'athar ou bihada. tout ce système d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux, etc. قال رحمه الله ولا تصنع تصنع المرأة ولا تبدل تبدل العبد ولا تلهب لحيتك ما يتعلق بالمرأة أي que le garçon il ne soit pas efféminé. سيأتي معنا un autre كلام أوضح on essaiera d'expliquer. ثم قال ولا تلهب لحيتك. Ça montre أن عندهم le garçon, pour eux, c'était normal qu'il ait la barbe. Et Huna, il a conseillé de ne pas jouer, toucher sa barbe. À force de toucher, les poils, ils tombent certainement au départ. Quand ce jeune homme, il n'a pas beaucoup de barbe. À notre époque, beaucoup de jeunes, ils sont touchés par ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit, certaines coupes de cheveux, al-qaza. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam harma dhalik, le fait de se couper une partie des cheveux et de laisser l'autre partie. Kadhalik, le fait de se teindre les cheveux en telle et telle couleur. Kadhalik, des coupes que al-kafar al-mujrimin ils ont fait, et tu trouves umma min abna al-muslimin qu'ils essayent de faire pareil. Alors que notre modèle, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, son apparence elle est connue. Les ulama ils ont cité beaucoup de hadith, ben ils ont écrit des livres, Kutub al-Shama'il, Shama'il al-Nabi alayhi salatu wasalam, pour montrer son apparence physique et ses comportements. Ils sont délaissés par beaucoup de musulmans et par beaucoup d'enfants. Bel, ba'du abna al-muslimin, ils connaissent pratiquement rien du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Connaissent son nom et ils savent que c'est un prophète et pour certains, ça s'arrête là. Une personne que tu aimes, tu dois faire des efforts pour le connaître. Une personne que tu dois suivre, tu dois faire beaucoup d'efforts pour connaître son chemin et sa voie. Et tout ça, bien sûr, cet enfant, il a une part de responsabilité. Il va grandir, ça va devenir un adulte. Et il aura des comptes à rendre. Là, qu'il y a les parents, Kedalik. Les parents, cet enfant, il a un haq. Et au départ, il pouvait accepter beaucoup plus de choses, lakin la négligence de certains parents. ثم قال رحمه الله ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم. نعم النصيحة par rapport à son argent أن ne montre pas, ne dis pas à tout le monde ce que tu possèdes comme argent. Non. Il a cité même l'ahl ou l'aulad. Certaines choses, c'est le père qui doit s'en occuper. Enfin, c'est pas à chaque fois il doit informer tout le monde. Il attend. Ça peut pousser à ça. Si tu n'as pas beaucoup, certains ils peuvent te rabaisser. Et si tu as beaucoup, j'ai besoin de telle chose, je veux telle chose. Al-Bab, il doit être zaki, donner à chacun son haq. Et vu que c'est lui qui gère tout ce qui est argent, tout ce qui est le fait de dépenser, il revient à Al-Anfa, ce qui est profitable pour tout le monde. Qala, wala tuhazil amatak wa abdak, wa idha khasanta fatawakkar. Ça c'est une nasiha taïba. On a vu que cet enfant, il peut avoir des problèmes avec les autres. Et quand il est jeune, il peut se disputer avec un tel ou se battre avec un tel. Si tu t'énerves, fais attention à ta langue. Ne dépasse pas les limites. Quelqu'un veut te faire du mal, défends-toi. Repousse le mal. Lakin, fais attention à ne pas dépasser les limites. Certains enfants, ils subissent des injustices. Maintenant par un autre enfant, lakin à cause de l'ignorance, ils dépassent les limites et ils insultent père, mère et les grands-parents et le pays et tout le monde y passe. Ça c'est min al-jahl. C'est pour ça qu'un nasih, éduquer cet enfant, ala al-adl, être juste. Qala wa tajannab an ajlatik wa tafakkar fi hujjatik. Kadhalik, fais attention à la précipitation. Habitué à cet enfant, ne pas se précipiter. Fil omur kulliha, العجلة اسم من الشيطان، جاء حديث في هذا اللي ضعيف لكن المعنى اللي صحيح، العجلة صافي كثيرا من الشيطان، خاصة للانفان احيانا يسو بريسيبيتي يسو ترومب انورميمون. فانسيني على سيت انفان لا كون تو بو اتوند كون تي ريست دو تان بروفيتزون ريفليشي وتفكر في حجتك. كذلك réfléchis toujours à un argument. Si tu veux faire une chose, regarde est-ce que tu as une hujja, est-ce que c'est pour toi ou contre toi, est-ce que c'est profitable ou c'est néfaste. Et si c'est fi idinillahi azza wa jalla, encore plus. Mathalan wahid il te cite telle chose, tu apprends à ton enfant à donner de l'importance au dalil. Kama taqaddam, que ce soit le père, la mère ou autre, si quelqu'un prétend une chose fi idinillah, habituer notre enfant à s'accrocher au dalil. Ne pas s'accrocher à un homme, à une personne. N'am, lianna al-hay la tu'man alayhi al-fitna. Et kadhalik, cette personne, elle mourra, ne restera pas toujours avec toi. Fallait habituer nos enfants à revenir à la preuve, à la hujja. Qala, wa akrim irdak wa alqi al-fudul ank. Kadhalik, ne salis pas ton honneur. Habituer à nos enfants. Habituer nos enfants plutôt à ne pas salir leurs honneurs avec leur propre langue, maintenant en mentant. Il y en a les enfants qui sont connus pour le mensonge, tu trouves, ils n'ont plus Al-Manzila qu'ils avaient auparavant. Tu ne peux plus lui faire confiance, tu ne peux plus parler Ahyan devant lui. Ne pas te faire du mal avec ta propre langue. Qala wa alqi al-fudul ank. Et beaucoup d'enfants, ils sont touchés par le football. Le football, c'est la curiosité. Certains enfants, et beaucoup d'enfants, et c'est normal, ils sont curieux au départ. Ils écoutent aux portes, quand quelqu'un parle au téléphone, ils veulent savoir. Certains enfants, et t'as l'enfant, il ne sait pas mentir, il demande des choses à rien qu'il ne le regarde pas. Enfin, l'éducation, c'est très très important. L'habitué, quand il demande une chose qu'il ne le regarde pas, lui montrer, billati hiya ahsan. Cette chose, pourquoi tu demandes qui c'est qui a fait, qui c'est qui est rentré, qui c'est qui est sorti? Ça ne te regarde pas, laisse les gens et fais, occupe-toi avec des choses profitables et lui montre qu'elle est écoute aux portes et vouloir savoir tout ce qui se passe. Tout ça, yadur, c'est ce qu'on appelle en arabe al-fudul, la curiosité. Thumma qala rahimahullah, wa la tumsik imsak al-manbouz wa la tubadhir tabdhir as-safih al-maghrour. Ça, c'est une nasiha pour l'enfant concernant ses biens, son argent. Wala tumsik imsak al-manbud. Montrer à nos enfants que l'avarice, c'est un défaut. Al-bukhl, c'est un péché. Et le fait de trop serrer. Qala wala tubadhir tabdhir as-safih al-maghrur. Kadhalik, le fait de gaspiller, c'est un péché. C'est un énorme défaut. Enfin, montrer à nos enfants le juste milieu. Comme قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. مثال من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى il a نهى لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. Et que ta main elle soit accrochée, si on lit littéralement, traduit mot à mot, que ta main soit attachée à ton cou. Ça c'est une image pour montrer ceux qui ne donnent pas, l'avarice. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Et kadhalik, ne tends pas toujours la main en dépassant les limites. Hey, tu gaspilles et tu donnes tout et un tas, tu n'as plus rien. Wala tabsutha kull al-bast fataq'ud malouman mahsoura. Ça c'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la preuve de cette nasiha que Al-Khattab il a cité. Qala wa a'rif fi malika wajib al-huquq wa hurmat as-sadiq wastaghni 'anil nas yahtaju ilayk. وَعْرِفْ فِي مَالِكُ وَاجِبَ الْحُقُوقِ. كذلك, montrer à nos enfants, à nous, si ils sont déjà adultes et ils ont de l'argent, أَنَّ فِي هَذَا الْمَالِ il y a des حُقُوقُ وَاجِبَ. Des حُقُوقُ وَاجِبَ. Ne pas penser que qu'à nous, et éduquer nos enfants de s'éloigner de l'égoïsme. Là, si tu as de l'argent et tu dois sortir la zakat, c'est حَقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ عَلَى هَذَا الْمَالِ. C'est wajib. Et كذلك الفقراء والمساكين ils ont un haq. كذلك tes proches s'ils ont besoin, ils ont un haq, n'oublie pas les autres. قال وحرمة الصديق. كذلك n'oublie pas الصديق, أي l'importance de tes frères fillah, de tes amis. أنهم ils ont حق حق النصيحة حق التعاون les conseillers s'entraider معهم. قال واستغني عن الناس يحتاجوا إليك. Et ça c'est un point important. Habituer nos enfants dès le plus jeune âge à ne pas tendre la main. Contrairement à ce que certains font, eux-mêmes, ils poussent leurs enfants à mendier dès le plus jeune âge. Maintenant, quand les membres de la famille ils se regroupent, ils poussent à son enfant, va demander à lui, lui il va te donner. Si on habitue nos enfants à هذا من الصغر, il va s'habituer, et probablement ça lui restera, et ça lui fera beaucoup de mal. Ben, on habitue nos enfants, annahum, et ne demande pas, celui qui veut te donner, il va te donner. Et كذلك quand il grandit, lui apprendre à tawakkul ala Allah, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui possède tout, et faire les causes, et surtout ne pas tendre la main. C'est une cause d'humiliation ici-bas et dans l'au-delà. L'imam Alina, si cet enfant il s'habitue à compter sur les autres dès son plus jeune âge, il grandira et il ne fera pas les causes. Il ne fera pas les causes, Rabbama. Il attendra toujours des autres. قال والصدق زين والكذب شين. نصيحة جميلة par rapport au صدق. Habituer nos enfants à être véridiques. الصدق زين. Ça va t'embellir. Ici-bas et dans l'au-delà. وَالْكَذِبُ شَيْن. Le contraire, ça, on l'est dit, celui qui meurt. Il est repoussé, il est rejeté, les gens ne font plus confiance. قَالَ وَلَا سِدْقٌ يُسْرَ عَطَبْ صَاحِبِهِ أَحْسَنْ عَقِبَةً مِنْ كَذِبْ يَسْلَمُ عَلَيْهِ قَائِلُهُ وَمُعَادَةُ الْحَلِيمِ خَيْرٌ مِنْ مُصَادَقَةِ اللَّئِيمِ. Tout ça, تقدم معنا. قَالَ وَالْإِخْوَانُ والإخوان اثنان فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء. ثم النصيحة par rapport aux fréquentations. Ça c'est très très important pour l'enfant, خاصة quand il commence à devenir adulte et il va commencer à fréquenter des autres. Tout le monde a été déçu par certaines fréquentations. Pourquoi? لأن au départ الشاب, le jeune, il fait confiance à tout le monde. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience, il pense que tout le monde est véridique, il pense que tout le monde marche droit. Alors que si au départ, un tas, tu lui montres, il y a deux catégories de fréquentation. Certains, et c'est la première fréquentation, la première catégorie, et même quand tu es éprouvé, tu as des problèmes, il est là. Il est là. Sadiqun. في الرخاء وفي الشدة. Il est là dans les moments difficiles. وصديق لك في الرخاء. D'autres, c'est des amis que quand ça va bien. Quand tu as de l'argent, quand tu as la voiture, quand tu as telle et telle chose, ils sont là. Quand tu es éprouvé, مثلاً par une maladie, فربما il n'approche jamais l'hôpital. هؤلاء, c'est pas des amis. Enfin, montrer à ce jeune homme ou à cette jeune fille, au départ, ça va, بإذن الله عز وجل, l'aider. Et كذلك حتى il ne soit pas déçu. قال فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية فإنهم أعداء الأعداء. وهذا كذلك تقدم معنا dans un chapitre sur les fréquentations. قال وتوقع الفساد وإن كنت في بلد الأعادي. نعم وإن كنت في بلاد الأعادي أي بلاد الغربة. وتوقع الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي. Écarte-toi des mauvaises choses, même si tu es dans un endroit où personne ne te connaît. Sahih, certains jeunes, que ce soit garçons ou filles, quand ils sont chez eux, dans leur quartier, dans leur ville, tout le monde les connaît, ils n'osent pas faire certaines choses. Lakin, quand ils voyagent, quand ils se déplacent, quand ils sont dans un endroit où personne ne les connaît, ils font al-ajaib. Falihada qal wa tawakkal fasad. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a interdit telle chose. Que tu sois à la maison, que tu sois dehors, que tu sois dans ta ville ou dans un autre pays, c'est Allah azza wa jalla qui interdit hada. Wa in kunta fi bilad al-a'adi, qal wa la tafrish 'irdak liman dunak wa la taj'al malak akram 'alayk min 'irdik. Attention à hadhihi al-fitna, fitnat al-mal. Ba'd an-nas sahih, ils font passer le mal avant leur honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont prêt à accepter مثلاً, un travail, même si ça salit leur honneur. Encore plus grave. Pardon, ils sont prêts à accepter un travail, même si ça lui fait du mal à son dîn. Accepter un travail, même si ça pousse à délaisser le deuxième pilier de l'islam, à cause de ce travail. N'a'oudou billah. Habituer nos enfants à n'al-mal, c'est qu'un moyen. Qu'un moyen. C'est des pièces, c'est des bouts de papier que tu mets dans ta poche et c'est un sebeb pour acheter, pour vendre. Ça s'arrête là. Amma, tes principes, ta foi, c'est ra'su malik haqqan, c'est ton capital. Et c'est ce qui sera utile pour toi ici-bas et dans l'au-delà. Fais attention de ne pas dire la base, l'essentiel, pour quelque chose de futile. Qala, rahimahullah, wala tukthir al-kalam, fatathqul ala al-aqwa. Vous avez remarqué que Hada, il l'a cité beaucoup, le fait de trop parler. Et même Ibn Hibban, rahimahullah, dans Rawdatul Uqala, dans beaucoup de passages, il a cité Hada. Pourquoi les Annahu, c'est une des principales causes de problème, la langue. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدْ أَلْسِنَتِهِمْ هَكَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. La langue, c'est une des causes qui pousse les gens à rentrer dans le feu. كذلك, la langue, c'est une des choses qui pousse à la division, à la fitna, au désaccord. Tout ça, en général, ça vient de la langue. فَلِيَذَا, dans tout au long de cette nasiha, il lui a rappelé. هُنَا قَالُ وَلَا تُكْثِرَ الْكَلَامِ فَتَثْقُلَ عَلَى الْأَقْوَامِ. Et le fait de trop parler, tu vas devenir lourd. Et si tu deviens lourd, les gens ils vont te délaisser. Que ce soit au travail, que ce soit tes amis, que ce soit dans l'ilm, que ce soit partout, dans tous les domaines. Il faut habituer cet enfant à même s'il parle, il laisse parler les autres. Et كذلك, s'il parle, يَتَحَرَّ الْكَلَمْ الطَّيِّبُ يَتَحَرَّ الصِّدْقُ. Là, le fait d'être véridique, le fait de dire des choses profitables. ثُمَّ قَالْ وَإِيَّاكَ وَكَتْرَتْ التَّزَيُّنْ والتزليق فان ظاهر ذلك ينسب الى التانيث. Ça c'est une nasiha réservée aux garçons. Ay yak wa katrat at-tazayyun, le fait de trop s'embellir. والتزليق, التزليق لعله هنا c'est المراد, c'est tout ce qui est pommade, etc., crème. فالرجل, cet enfant, ça va devenir un homme. Et الرجل, il n'est pas comme la femme. La femme, n'am. خاصةً si elle est mariée, elle doit faire des efforts في هذا الباب. أما الرجل, et on a, ne pas confondre avec النظافة. La propreté, c'est pour tout le monde, homme et femme. لكن l'homme, il n'a pas besoin de rester une heure devant le miroir avec telle crème, avec telle chose. Ça, c'est pas من شيم الرجال أبداً. Ça, c'est des choses pour An-Nisa. Faliyada, il a conseillé son fils al-Hadar de cette fitna. Na'am. Et que ce garçon, il soit efféminé. On vit à une époque, iyadun billah, Allahu a'lam, qu'est-ce que Al-Khattab, il aurait dit à son fils à cette époque. Anna, certains hommes, ils mettent du vernis, certains hommes, ils se maquillent, certains hommes, ils mettent du rouge à lèvres. Na'oudou billah. Na'oudou billah. Cette époque, celui qui est accroché à son dîn, il sera fait rourba chedida. Enfin, montre à nos enfants, Anna, un homme, c'est un homme. Et il doit avancer avec les qualités d'homme. Al-Qouwa, wa-thabat, wa-l'azm. Et une femme, c'est une femme. Et la femme, elle a des choses qui sont spécifiques à elle. Qala wa-iyaka wa-tasannu' li-mughazalat an-nisa wa-kun mutaqaddiran, muta'azzizan. Muntahizan fi fursatik, rafiqan fi hajatik. On a, il montre des qualités d'homme à son enfant, rahmatullah alayhi. Iyaka wa tassannu' li mughazalat an-nisa. Faire attention à ne pas vouloir s'embellir pour approcher les femmes. Et on vit à une époque, nahnu kadhalik, que ça a changé. À l'époque, pour approcher une femme étrangère, il fallait aller dans certains endroits, il fallait sortir, il fallait. Dans Bilad al-Muslimin, c'était très très difficile. Les femmes, elles étaient couvertes et en général, quand elles sortent, elles sont avec leur père ou leur frère ou leur fils. On vit dans une époque, na'oudou billah. Na'oudou billah. Approcher une femme, c'est min ashal al-umur avec les réseaux sociaux. Enfin, certaines femmes dans leur compte, dans les réseaux, la photo, la description, l'âge, tout. Et le majal, il est meftouh. N'importe quel message, elle le reçoit. Ce jeune garçon, s'il n'est pas protégé, il est exposé à un énorme danger. قال وحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك، ولا تجعل في أمر ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته. نعم، نصيحة نافعة. واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك. Vous avez remarqué le fait d'insister sur l'au-delà comme c'est profitable. Montre à ce jeune homme, à cette jeune fille, fais attention aux choses que tu fais aujourd'hui. Et au Al-Qiyama, ça sera une honte pour toi. Tu auras des comptes à rendre. C'est pour ça que certains parents, ils insistent beaucoup sur Dunya avec leurs enfants. La façon de s'habiller, la façon de parler. Il faut pas que tu montres une mauvaise image de la famille. Il faut pas. Et ils oublient l'akhira. Tu montres à ton enfant, Anna, tout ce qu'il fait. Et ça sera pour lui ou contre lui, Yom al-Qiyama. Enfin, fais attention de ne pas te retrouver dans une situation délicate, Yom al-Qiyama. قَالَ وَلَا تَعْجَلْ فِي أَمْرٍ حَتَّى تَنْظُرْ فِي عَقِبَتِهِ هَذَا تَقَدَّمْ. Avant de faire une chose, regarde les conséquences. C'est pour ou c'est contre toi. قَالَ وَلَا تَرِدْ حَتَّى تَرَى وَجْهَ الْمَصْدَرْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيْ. On finit avec هذه النصيحة concernant le mariage. يَا بُنَيْ إن زوجة الرجل سكنه ولا عيش له معها مع خلافها فإذا هممت بنكاح امرأة فسل أي فاسأل عن أهلها فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. Ça c'est un conseil très très important, très très important pour ce jeune homme ou cette jeune fille qui plus tard voudront se marier. Il a dit à son fils, inna zawjat ar-rajul sakana kama ja'aha fi al-Qur'an wa la 'aysha lahu ma'a khilafiha. Ay, c'est très très difficile de vivre avec son conjoint pour la femme ou sa conjointe pour l'homme, ma'a kathrat al-khilaf, ne jamais être d'accord. Aslan anna ils n'ont pas les mêmes principes, ils n'avancent pas dans la même direction. Fa huna ça peut être très très très très compliqué. قال, donc pour éviter هذا, donc pour éviter هذا, قال, فإذا هممت بنكاح امرأة, si tu comptes te marier, tu veux te marier avec une femme, فسل عن أهلها, demande sur sa famille, renseigne-toi. Pourquoi? قال, فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. Pourquoi? لأن cette femme, en général, elle ressemblera à sa famille. Si elle vient d'une famille tayyiba, avec des principes, avec de la pudeur, de la piété, qui sont accrochés à leur din, fa l'échec, elle a tous ses efforts, ils ont touché cette fille. Et cette fille, elle aura une part de هذا الأمر. Si c'est le contraire, fa l'échec, la fille, كذلك, elle peut être touchée par هذا الأمر. Pourquoi on a dit elle peut être liana? On peut trouver liana une famille qui sont fichor et la fille, une des filles, elle est à la taqwa wa thabat. Ça arrive, walillahi alhamd. Naam. Wa hakadha al-aks, liana tu trouves une famille qui est à la taqwa wa salah, qui font des efforts, et tu trouves une des filles, elle est dha'i'a, fasiqa min al-fasiqat. Ça arrive. Lakin, vu que quand on se marie, on regarde sur Al-Aghlab ou Al-Umum, on regarde en général. Au départ, on ne sait pas est-ce que telle fille elle est comme ça. Enfin, cette règle elle est importante. Thumma al-insan, il se renseigne, wa yabhath wa yas'al limadha, li'anna le mariage c'est une mas'ouliya 'azima. Et combien de gens ils ont regretté, ils se sont précipités, ils se sont mariés avec une fille d'une famille qui ne correspond pas. Et ça fait beaucoup de mashakil. فَلِهَذَا أَنْتَ أَيُّهَا الْأَبْ وَأَنْتِ أَيَّتُهَا الْأُمْ. Si vous avez des enfants, avant de les marier, faire cette recherche. Est-ce que cette fille, elle correspond à mon fils? Ou est-ce que cet homme, il correspond à ma fille? حَتَّى يَحْصُلْ الْخَيْرِ. قَالَ وَعْلَمْ بِأَنَّ النِّسَاءَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا مِنْ أَصَابِعَ الْكَفِ. ثم il a cité un kalam assez ferme, des mises en garde contre le comportement de certaines femmes. لماذا لأن الخطاب لا شك أنه il avait de l'expérience, probablement il a vécu certaines choses Et Huna, il a montré à son fils le danger de certaines femmes. قال بأن النساء أشد اختلافا من أصابع الكف. أي elles divergent plus que les doigts d'une propre main. فتوقع منهن كل ذات بذاء مجبولة على الأذى. Elle fait attention à certaines femmes qui aiment faire le mal, qui pensent qu'au mal. قال فمنهن المعجبة بنفسها. نعم, certaines, elles ont de l'orgueil et une fierté excessive. قال إن أكرمها رأته لفضلها عليه لا تشكر على الجميل. نعم, هذا الصيف النبي صلى الله عليه وسلم il en a parlé في حديث أي des femmes qui ne reconnaissent pas النعمة. قال ولا ترضى منه بقليل. نعم, s'il a beaucoup elle pense que c'est grâce à elle, s'il n'a pas ou il a peu elle n'accepte pas. Et هذه c'est une صفة مذمومة خاصة في المرأة. Pourquoi? Parce que la femme, elle est sous la responsabilité d'un homme. Enfin, si elle n'est jamais d'accord, elle se fera beaucoup de mal. Elle fera du mal à son homme, à son mari. Enfin, cette femme, si elle se marie, et si elle a comme principe que c'est elle est là, elle doit patienter. Si le mari, il a, alhamdoulilah, elle est reconnaissante. S'il n'a pas, fait ta'aoun ma'a. Quand il a, elle pense que ça vient d'elle. Et quand il a plus, enfin, ça devient un ennemi. فلا شك أن هذا من الظلم. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن أكثر أهل النار c'est النساء. Une صحابية رضي الله عنها l'a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم pourquoi. Il a dit إنهن يكفرن العشير. Elles ne sont pas reconnaissantes envers les maris. C'est ça كفر العشير. قال ولا تستحي من جارها كلبة هرارة مهارشة عقارة فوجه زوجها مكلوم وعرضه مشتوم لا ترعي عليه للدين ولا للدنيا. نعم, certaines sont هكذا. Le voisin, il n'est pas à l'abri. Les voisins, ils ne sont pas à l'abri. Le mari n'est pas à l'abri. Pas de pudeur. Et هكذا, elle ne reconnaît pas les bienfaits de son mari par rapport à dunya, par rapport à son din, etc. ثم توسع رحمه الله في التحذير من هذا الصنف. Et vu que, alhamdulillah, il y a beaucoup de croyants qui craignent Allah Azza wa Jal et qui aiment le din, le musulman, il doit faire des efforts pour éviter هذا الصنف. Et vu que Al-Khattab, rahimahullah, il a conseillé son fils, il a appuyé sur les défauts de certaines femmes. Wa hakada, les défauts de certains hommes pour les parents qui ont une fille. Al-Hadar, de celui qui manque de din, qui manque de pudeur, qui ne remplit pas ses responsabilités, qui laisse sa femme hakada bidoun ta'lim, bidoun ri'aya. Alhamdulillah, on essaye de s'écarter du shor, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Qal, in qala la, qalat na'am, wa in qala na'am, qalat la. Hada, c'est pour montrer à son fils, elle fait attention à cette catégorie qui aime la divergence, elles ne sont jamais d'accord. Si le mari, il dit, on va faire telle chose, elle dit là. Ahyanan, elle ne sait même pas c'est quoi. Elle a déjà son avis. Il faut qu'elle le contredise. Et si dit, on ne fait pas cette chose, elle dit si, il faut la faire. Voilà. Vivre avec ce genre de personnes, c'est un tab shadid. C'est très très difficile. On le répète, une famille musulmane, elle a comme responsable le père. Et une famille musulmane, c'est comme un groupe de personnes qui sont sur un bateau. Là, bout que Wahadi, il prend des décisions, Wahadi dirige. Ama, si tout le monde veut parler, tout le monde veut diriger, ça fait que des fitanes. Et là, chacun, celui qui dirige, il a besoin de conseils. Là, les décisions, khasatan dans certains points importants, ça revient à Sahib al-Ri'ay al-Mas'oul. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullukum mas'oul. كلكم مسؤول وراع عن رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ومنهن العطوف الودود المباركة الولود. ثم il a fini avec l'autre catégorie pour rassurer son fils. لأن avec on a résumé وإلا كلام assez dur أحيانا. Des mises en garde contre cette catégorie de femmes et s'arrêter. هنا ربما هذا الولد ne voudra jamais se marier. فلهذا من الحكمة أنه il a cité l'autre catégorie العطوف الودود. Et نعم, une femme qui a de la tendresse, qui sait se comporter avec son mari. Son mari, Obama, avec Khasatan à cette époque, Khasatan s'il côtoie des gens dehors, il travaille là-haut, il est fitab chedid et il fait beaucoup d'efforts. Elle sait comment le réconforter, elle sait comment lui parler pour qu'il patiente. Al-Mubaraka al-Walud al-Ma'mouna ala ghaybiha. Quand il n'est pas présent, fa tahfad al-Amana. Al-Mahboubatu fi jiraniha. N'am, hatta les voisins y reconnaissent son khayr. La ghayba, la namima, elle a un bon comportement, il a akhiri. Qal al-Mahmouda fi sirriha wa i'laniha. Elle a un bon fond et kadalik elle fait apparaître du bien. Al-Karimatu al-Taba'ul al-Kathiratu al-Tafaddul hafidatun sawtan. النظيفة بيتا نعم الحافظة صوتا حتى son صوت sa voix elle fait attention avec qui elle parle comment elle parle le fait de hausser la voix devant des étrangers النظيفة بيتا كذلك elle s'occupe les responsabilités qu'elle a elle s'occupe de sa maison أما l'autre catégorie نعم قال si on revient un peu avant قال ولم يكنس لها بيت l'autre catégorie pas de ménage طعامها بائت نعم la nourriture qu'elle a fait qu'elle te propose il date de un ou deux jours وإناؤها وضر sa vaisselle elle est toujours sale قال وعجينها حامض العجين pour faire le pain il est حامض la pâte elle a tourné tellement qu'elle est occupée à droite, à gauche, elle n'est pas sérieuse. Robama, elle prépare la pâte et elle la laisse un ou deux jours et ça a tourné. Il y a un goût acide. Wa ma'uha fatir, wa mata'uha mazru', wa ma'unuha mamnou'. N'am, aucune entraide. Wa khadimuha madroub. Elle frappe enfants, etc. Wa jaruha mahroub. Et c'est la guerre avec les voisins. Hada al-sinf. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yihfadana jami'an. La shaka annahu, il est présent. Ils font attention à leur fils et à leur fille pour leur choisir quelqu'un qui est à la khair, qui aime le khair, qui veut avancer à la hada al khair. Walhamdulillah. Thumma qala, ja'alaka Allah ya bunay, mimman yaqtadi bil huda, wa ya'tam bil tuqa, wa yajtanib al-sakhat, wa yuhib al-rida. Kadhalik, ad-du'a pour les enfants, c'est très très important. Il y en a tout ce qu'il a cité, c'est des causes. Des encouragements à son fils, des rappels, des mises en garde. Thumma al-umur biyadillah. Falihada, les enfants, les parents, ils doivent faire beaucoup de du'a pour leurs parents. Qu'Allah, il leur facilite. Que ce soit le mariage, que ce soit le travail. Qabla dhalik al-ilm. Qabla dhalik wa ma'a dhalik, kadhalik al-hidayah. Le fait de s'accrocher au Qur'an et à la sunnah. Qala, wallahu khalifati alayk, wal mutawalli li amrik. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد نبي الهدى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا فنعفني هذه الوصية باختصار et celui qui a le livre et qui veut la lire complètement ففيها فوائد et on passe au درس suivant إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين